Je ne sais plus, je ne veux plus. Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il a parlé. Ses torses ont disparu. Ses yeux priaient. Sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère? Je ne sais plus. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit, tous mes pleurs sont perdus. En vain, par force ou par douceur suprême, l'amour et lui veulent encore que j'aime. Je ne veux plus. Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. Sans me trahir, j'ai bravé sa présence. Mais sans mourir, supporter son absence, je ne sais plus.